all around the productions. Dans ton festival, je bousille ton corrida. Je reste poli quand je dégomme le flow de Florida. Ha! Commence par fumer ton joie avant de te filer. Y'en a qui veulent soutenir mais leurs bagages vont planer. Dans le game, les rappeurs en carton sont des Playmobil. Ils se dirigent en allée simple direction Tchernobyl. Papa, tu déconnes, pourquoi tu dis encore ça? Désormais, tu peux te rhabiller car je suis encore là. Tu me trouveras au sommet du Kilimandjaro. Pas en garde à vue, serrer la main de Brandao. Tu ne me verras jamais passer ma vie à Darty. La Carpate de la France sera chez Andati. Les mythos se cachent voilés pour faire le pèlerinage. Le blême, c'est qu'ils reviennent pour des tests de dépistage. Ça pue l'embrouille, les flingues en Sibérie. Si tu entends un chien aboyer, c'est Franck Ribéry. Il faut du pétrole pour polluer la vague bleue marine. Johnny est rempli de coke dans ses narines. Un jour ou l'autre, on ira tous au paradis. J'ai un sap pour décapiter la tronche de Kadhafi. Oh oh, King Cisco is back. Oh oh, Papa Cisco is back. Oh oh, King Cisco is back. Oh oh, Papa Cisco is back. Je n'ai jamais piloté la Icebox. Demain j'annoncerai la mort de Skyrock. Je reste vrai dans ma discipline, Forte Gamos. Je reste vrai dans mes textes, comme Nosferatos. Arrête de ramener toutes tes saloperies. Tu n'es qu'une parodie, comme Nicolas Sarkozy. Je voyage dans les nuages de rimes, pas au bistrot. Torche-toi le cul avec le drapeau de Pascal Obispo. La plupart des pédales cohabitent tous sur Tchatroulette. La Russie est réputée pour être bon à la roulette. Laisse l'inspiration adoucir les mœurs, moi je suis anti-Rennais. Je mets le gun sur la bouche d'un post-paradise, je suis anti-PD. Anti-PD, anti-PD, PD, PD, PD. Quoi, j't'ai choqué, j'encule les PD. Je passe la sixième quand je suis bousillé au vodka Fanta. Oh oh, King Cisco is back. Oh oh, Papa Cisco is back. Oh oh, King Cisco is back. Oh oh, Papa Cisco is back. Mon nom c'est Papa Volat, enchanté d'y vous connaître. Et j'fais que t'es fais que t'as une moteur. Ton rap pue la merde car il a mauvaise haleine. Mon rap est puissant comme l'attaque de Ben Laden. La concurrence est à se rouler par terre. Si j'ai un problème, j'appelle Coach Carter. Je marque des buts, tir cadré avec mon ballon rouge. Toi t'as juste le charisme d'un poisson rouge. Pourquoi tu entends ma voix sur des prods de barbares? Nique sa mère la garde. Haha, ça fait parler les PD quand je pars à Kaboul. Arrête d'annoncer la mort de Charles Aznavour. Regarde tous ces vendus à l'avenue des Bolos. T'as soutenu un nazi comme ce bâtard du beau boss. Tu as fait ci, tu as fait ça, mais t'as pas de vécu. Je fais la couve du Var matin, toi t'es en couve de têtu. Oh oh, King Cisco is back. Oh oh, Papa Cisco is back. King Cisco is back. Oh oh, Papa Cisco is back.